piano du beat. DJ Jock, RKV 2008. T'as fait un mois à m'en crevasser les mains. On est tous des terres, vous êtes là, flash de votre cas entre les mains. On te traîne dans nos couffins, on t'étouffe sous les coussins. Changer les mécaniques, MAKS sur état statique. Par le jour où je suis né, j'ai déclenché la guerre mondiale. Le missile RKV est lancé sur la capitale. Écrit à la plume sur un tableau délabré. On retrace notre souffrance, notre passé. Tu me verras jamais wanted au JT de Jean-Pierre Pernaut. Même pour 200 000 doges, tu me trouveras pas avec un schlass planté dans le dos. Qu'on dise, qu'on fait, ce qu'on fume, c'est pas toujours sain comme le Coran et la Bible. On n'est pas pris pour cible, mais ton rang t'a ciblé. Et ton corps va criver de balles, on arrive en trompe. Toi tu trembles, garde la pêche, on a la gouache. On commet des dommages, avec carnage, je vais faire niquer, si tu veux, je finis sans cage. Sous, voilà le blast, c'est une marne, voilà la basse. Crame le QG, DRG. Le poulet, je kiffe crier comme au KFC, se renforcer à chaque couplet. Tout niquer, c'est l'objectif, demande à personne d'être admiratif. RKV nouvelle attaque, au micro double contact. Notre rap contre-attaque avec le beat, on garde un bon contact. RKV nouvelle attaque, au micro double contact. Notre rap contre-attaque avec le beat, on garde un bon contact. MAKS, je ne serai pas le crack de cette tuerie. Arrêtez votre mascarade, nos yeux ne sont pas noirs sur mascara. Écris des textes à pas d'heure, whisky sky te démonte le cervelet. Dégoupille jamais comme dans les montagnes russes. Oubliez de te ligoter, plus personne s'interroge sur nos pensées. Toujours capuche sur la tête, camouflé sous ma casquette. Je me fais bouffer de l'intérieur, mais la façade reste neuve jusqu'à temps qu'arrive mon air. Pour oublier, c'est de l'eau de vie, Reichetan, c'est la vie. Suivi dans l'ombre, tu n'approcheras jamais le soleil. Protège-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en chargerai. Après réflexion, place à l'action, un pilon du sky. L'ambition, la haine, ce qui nous fait avancer. RKV vit comme violence, à l'aide aux performances. Un coup d'accélérateur et je baille la concurrence. Reconnaissance sur la fréquence, avec un son lourd en l'occurrence. Armé d'un bon 16 de préférence, chercheur n'est pas vidé. Attends deux secondes, je vais t'expliquer. Puis à la main, je braque tous tes faux rappeurs. Bloque l'épaule pour qu'on recule. Sur cette merde, je prends du recul. RKV nouvelle attaque, au micro double contact. Notre rap contre-attaque avec le beat, on garde un bon contact. RKV nouvelle attaque, au micro double contact. Notre rap contre-attaque avec le beat, on garde un bon contact. RKV nouvelle attaque, au micro double contact. Notre rap contre-attaque avec le beat, on garde un bon contact. RKV nouvelle attaque, au micro double contact. Notre rap contre-attaque avec le beat, on garde un bon contact. Joke.